Chapitre 19e. Telle était la foi légitime et éprouvée du docteur envers son ami, telle était l'angélique pureté de l'âme de Marie, telle était enfin l'irrésistible sincérité de l'offre de David, qu'il ne vint pas, qu'il ne pouvait pas venir à l'idée de Madame Bastien ou de Monsieur Dufour, que la proposition de David, spontanée comme tout premier mouvement d'un cœur généreux, mais surtout loyal, désintéressé, put cacher quelques projets de séduction. Et bien plus, David en faisant son offre, Marie et le docteur en la commentant, ne songèrent pas un instant à ce qu'il pouvait y avoir de dangereux dans les rapports de confiance intime journalière qui devaient exister entre la jeune mère et le précepteur. Non, la sainteté de l'amour maternel inspirait à Marie une confiance remplie de sérénité, au docteur et à son ami un dévouement rempli d'admiration et de pieux respect. Madame Bastien, remettant au docteur d'une main tremblante d'émotion la lettre de David, s'apprêtait à parler lorsque Monsieur Dufour lui dit un mot de grâce. « Je ne sais quelle sera votre détermination, mais, avant de la connaître, je crois devoir vous donner quelques renseignements sur Henri David. Alors, complètement édifié sur lui, vous pourrez accepter ou refuser son offre. N'êtes-vous pas de cet avis ?»« Non, mon cher docteur, » répondit Madame Bastien après un moment de réflexion, « je ne suis pas de cet avis. » De deux choses l'une, ou j'accepterai l'offre de M. David, ou je serai obligé de la refuser. Si je l'accepte, il y aurait de ma part une sorte de défiance blessante, et pour vous et pour votre ami, à vouloir être plus renseigné sur lui que je ne le suis. Cette lettre me prouve la justesse de son esprit, la générosité de son cœur. Enfin, moralement parlant, vous me répondez de votre ami, comme de vous-même, vous, mon cher docteur, vous, pour qui je ressens l'estime la plus méritée. Que pourrais-je désirer de plus ? Et puis enfin, je vous rappellerai ce que vous me disiez tout à l'heure. Parmi les précepteurs que je pourrais choisir, quel est celui qui m'offrirait les garanties que m'offre déjà M. David ? Cela est juste. Entre gens de bien, on se croit sur parole. Si au contraire, reprit tristement Madame Bastien, je ne puis ou je ne dois pas accepter l'offre de M. David, il y aurait une sorte d'indélicate curiosité de ma part à provoquer vos confidences sur la vie passée d'une personne qui doit me rester étrangère, bien que la noblesse de son offre lui méritait ma reconnaissance éternelle. Je vous remercie pour David et pour moi de la confiance que vous nous témoignez, ma chère Madame Bastien. Maintenant, réfléchissez. Vous me ferez connaître votre résolution. J'ai désiré, suivant les intentions de David, vous communiquer sa lettre le plus tôt qu'il m'a été possible. Voilà pourquoi, au risque de vous inquiéter un peu par une visite insolite, je suis venu ce soir au lieu d'attendre à demain et... » Le docteur ne put achever. Un éclat de rire violent, convulsif, retentit dans la chambre de Frédéric et fit bondir Madame Bastien sur son siège. Pâle, épouvantée, elle saisit la lumière et courut à la chambre de son fils, où elle entra, suivie du docteur. Le malheureux enfant, les traits décomposés, livides, les lèvres contractées par un sourire sardonique, était en proie à un accès de délire causé sans doute par la réaction des événements de la soirée. À ces éclats de rire insensés succédaient ça et là des paroles incohérentes, bizarres, mais parmi lesquelles revenait incessamment « Je l'ai manqué, mais patience, patience !» Ces paroles, malheureusement trop significatives pour Madame Bastien, lui prouvaient que telle était la persistance des idées de haine et de vengeance de Frédéric, qu'elle seule restait lucide au milieu de l'égarement de son esprit. Grâce à la présence presque providentielle du docteur Dufour chez Madame Bastien, les soins les plus prompts, les plus efficaces furent prodigués à Frédéric. Durant toute la nuit et la journée du lendemain, sauf une absence de quelques heures, pendant laquelle il se rendit à Pontbriand, le docteur ne quitta pas le malade, au chevet duquel Madame Bastien veilla avec son courage et son dévouement habituel. Vers le soir, une amélioration sensible s'opéra dans l'état de Frédéric. Le délire cessa. Ce fut même avec une effusion inaccoutumée que ce malheureux enfant remercia sa mère de ses soins et il versa des larmes abondantes. Marie, passant du désespoir à une folle espérance, s'imagina que la violence de cette crise ayant opéré dans l'esprit de son fils une révolution salutaire, il était sauvé. Vers les 10 heures du soir, elle céda aux instances du docteur, qui prouvait la sécurité ou le laissait l'état du malade, en retournant à Pontbriand, et elle consentit à se mettre au lit pendant que sa servante veillerait son fils. Brisée par la fatigue, par les émotions des dernières journées, La jeune mère goûta le calme réparateur d'un profond sommeil, après avoir exigé que la porte de son fils restât ouverte. Le matin venu, la première pensée de Madame Bastien en se réveillant fut d'aller voir Frédéric. Il dormait. Elle s'éloigna doucement, en faisant signe à Marguerite de la suivre et lui demanda tout bas « Comment a-t-il passé cette nuit ?»« Très bien, madame. Il ne s'est réveillé que deux fois et il m'a parlé bien raisonnablement, je vous l'assure. »« Et de quoi vous a-t-il parlé ?»« Mon Dieu, madame, de choses et d'autres. » Il m'a demandé par exemple, en me priant de ne vous en rien dire, comme s'il y avait grand mal à cela, et il m'a demandé où était son fusil. « Son fusil ?» reprit Madame Bastien en tressaillant d'une nouvelle anxiété. « Et ce fusil, madame, vous savez bien qu'avant-hier vous me l'avez fait cacher. »« Et ?» reprit Madame Bastien avec angoisse. « Il n'a rien ajouté de plus ?»« Non, madame. » Seulement, quand je lui ai eu répondu que madame m'avait fait renfermer le fusil, il m'a dit « Ah, c'est bien. Mais je vous prie, Marguerite, de ne pas dire à ma mère que j'ai pensé à mon fusil. » Elle croirait que, faible comme je le suis, j'ai des idées de chasse et cela pourrait l'inquiéter. À peine remis d'une crise cruelle, Frédéric était-il de nouveau sous l'empire de l'horrible préoccupation de sa vengeance, idée fixe qui ne l'avait même pas abandonnée pendant le trouble de son esprit. Marie était plongée dans ses réflexions navrantes lorsqu'on lui remit une lettre apportée par le facteur rural. Madame Bastien reconnut l'écriture de son mari. C'était la réponse à la lettre dans laquelle elle le prévenait de sa résolution de faire voyager Frédéric. Bourges, 5 novembre 1846. Je vous réponds courrier par courrier, comme vous le désirez, et pour vous demander 1. si vous êtes devenue folle, 2. si vous me croyez assez bonasse pour me rendre bêtement complice du caprice le plus absurde qui soit jamais passé à travers la cervelle d'une femme désœuvrée. Ah ah, madame ma femme, sous prétexte de la santé de Frédéric, il vous faut des voyages de luxe, avec suivante, ni plus ni moins qu'une grande dame. Passer l'hiver dans le midi, rien que ça, parce qu'il fait trop froid à la ferme, probablement, et que vous vous y ennuyez à crever, je suppose. Ainsi, vous voulez courir la prétentaine? Ah ça, mais savez-vous que vous vous y prenez un peu bien tard, dites donc, pour faire la folichonne, la jeunette et l'évaporer? Nous resterons à Paris 24 heures au plus, me dites-vous, mais moi, qui suis un vieux renard, d'ici je vois le fil. C'est pas mal joué, mais j'ai un atout supérieur. Je devine vos cartes, je vais vous les dire, moi. Comme toutes les provinciales, vous crevez d'envie de voir la capitale. Et le moyen ne serait pas mal choisi si j'étais aussi benêt que vous le supposez. Une fois à Paris, ce serait ceci, cela. Mon fils est fatigué du voyage. Nous ne trouvons pas de place à la diligence. Je suis moi-même indisposé. Et d'autres fariboles pendant lesquelles 8 jours, 15 jours, 1 mois se passeraient. Et vous vous régaleriez de la vie de Paris. En veux-tu, en voilà. Le tout avec mon Saint-Frusquin, et puis à la fin de janvier, fouette cochée, allons passer l'hiver dans le midi. Si ça ne fait pas suer. Quand je vous le dis, faites donc la duchesse, la princesse. Ah, vraiment, monsieur mon fils a besoin de distraction pour sa santé. Eh bien qu'il pêche à la ligne. Il a 3 étangs à sa disposition. Qu'il chasse le lapin et le lièvre. Il n'en manque pas dans les taillis du Coudray. Il a besoin de voyager. Qu'il voyage de la plaine des Herbiers à la bruyère du moulin Grandpré, qu'il fasse cet exercice-là 6 fois par jour, et je vous réponds qu'en 3 mois, il aura fait un voyage aussi long que celui d'ici à hier. Tenez, vous me faites pitié, ma parole d'honneur, à votre âge, avoir des idées aussi cornues, biscornues, et surtout, me faire l'offense de me croire assez serein pour donner dans le panneau. Du reste, ceci me confirme dans l'idée que j'avais, que vous éleviez votre fils comme un monsieur, un damoiseau. Voyez-vous ça? Il lui faut des distractions, des voyages à ce cadet-là. Est-ce qu'il n'aurait pas des vapeurs et des attaques de nerfs, par hasard? Soyez tranquille, j'y mettrai bon ordre à ces vapeurs. Comme je n'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai consenti à vous le laisser jusqu'à 17 ans révolus, et à lui donner dernièrement encore le ridicule d'un précepteur, ni plus ni moins que s'il était duc ou marquis. Je n'ai que ma parole. Vous garderez encore votre fils et un précepteur quelconque pendant 5 mois. Après quoi, je vous flanque monsieur Frédéric Sautruisseau chez mon compère Bridon, l'huissier. Et au lieu de faire des voyages de distraction dans le midi, comme un grand seigneur, monsieur mon fils noircira ses belles mains blanches à grossoyer sur papier timbré, comme ont fait son père et son grand-père. Car le papier timbré, voilà ma noblesse, à moi. Elle vaut bien celle des marquis. Monsieur mon fils entrera donc page dans la noble maison de Très-Haut, et très puissant seigneur Jérôme Bridoux, mon compère, et c'est là que le jeune homme fera ses premières armes. C'est donc pour dire que vos projets de voyage n'ont pas le sens commun et que je ne vous donnerai pas un rouge liard pour faire vos escapades. J'écris courrier par courrier à mon banquier à Blois de se bien garder de vous avancer un centime, et j'écris aussi à mon ami Bossard, le notaire de Pontbriand, qui est une vraie gazette, de crier sur tous les toits qu'en cas de demande d'argent de votre part, l'on ne vous prête pas un sou, vu que je ne paierai pas. Car toute dette contractée sans l'assentiment du mari est entachée de nullité, puisque la femme est considérée comme mineure. Ruminez bien ceci, c'est la loi. Une mineure de 31 ans, c'est un peu mûr. Mais enfin, puisque vous vous mettez en goût de batifoler comme une jeunesse, il vous faut brider haut et serré. Je vous préviens en outre que je viens de donner des instructions et des pouvoirs tels à mon compère Bridoux que si vous aviez l'audace de faire un coup de tête et d'entreprendre ce voyage en empruntant de l'argent, je ne sais à qui, l'on mettrait à l'instant la police à vos trousses pour vous faire réintégrer de force dans le domicile conjugal ainsi que j'en ai le droit. Car une femme ne peut quitter le dit toit conjugal sans autorisation de son maître et seigneur. Vous me connaissez et savez si je reculerai devant l'accomplissement de ma menace. Vous avez votre tête, vous me l'avez bien prouvé, et bien moi aussi, j'ai la mienne. Ne vous donnez pas la peine de me répondre. Je pars de Bourges ce soir pour descendre dans le bas-pays, où je flaire une bonne opération. Le revidage et la vente en morcellement des lots de terre me retiendront jusque vers la mi-janvier au moins. Je reviendrai ensuite à la ferme pour songer à mes blés de mars, et vous lavez un peu soigneusement la tête comme vous le méritez, ainsi qu'à monsieur mon fils. C'est dans cette espérance que je me dis votre mari fort peu content. Bastien. P.S. Vous m'avez écrit dans votre avant-dernière lettre que votre précepteur était parti. Si vous voulez remplacer cet âne par un autre, faites comme vous voudrez pourvu que le précepteur, puisque précepteur il y a pendant 5 mois encore, ne me coûte que la pâtée, le logement et 100 francs par mois comme l'autre, sans blanchissage, bien entendu. Je devrais, pour vous punir, vous renier le précepteur, mais je n'ai qu'une parole et vous le laisse. Arrangez-vous donc comme vous voudrez, et surtout, n'oubliez pas qu'à aucun prix, je ne veux de ces cracheurs de l'Atala à ma table quand j'y suis. Ça me gêne. Quand je viendrai chez moi, le dit précepteur mangera dans sa chambre ou à la cuisine s'il aime la société. Vous remettrez à maître Urbain cette lettre relative à mes semailles d'octobre et au curage de ma belle sapinière de la route, que je conserve comme la prunelle de mes yeux. Vous direz à maître Urbain de me faire savoir si mes portées de truies donnent de belles espérances, car je tiens à être médaillé pour l'élève de mes ports. C'est pour moi une affaire d'amour-propre. Un quart d'heure après avoir reçu la grossière épître de son mari, son seigneur et maître, comme il disait plaisamment, Madame Bastien écrivait les 2 lettres suivantes, qui furent aussitôt portées à Pontbriand par un express. À monsieur le docteur Dufour. Mon bon docteur, veuillez, je vous prie, faire parvenir au plus tôt à Nantes la lettre ci-jointe, après l'avoir lue et cachetée. Vous ne devez rester étranger à aucune de mes résolutions dans la pénible et grave circonstance où je me trouve. Mon fils a passé une bonne nuit, physiquement parlant. Tâchez de me donner quelques instants aujourd'hui ou demain. Je vous dirai ce que je n'ai pas le temps de vous écrire, car j'ai hâte de faire partir cette lettre. À bientôt, je l'espère. Croyez à l'assurance de mon inaltérable amitié. Marie Bastien. La lettre du docteur Dufour contenait une enveloppe non cachetée dans laquelle on lisait ces lignes. « Monsieur, j'accepte avec une profonde reconnaissance votre offre généreuse. L'âge et l'état moral de mon fils, les craintes que m'inspire son avenir, tels sont mes titres à votre intérêt, monsieur, et je crois qu'à vos yeux, ces titres-là sont sacrés. Daignez, monsieur, mettre le comble à vos bontés en hâtant le plus possible votre arrivée ici. Vos prévisions au sujet de mon malheureux enfant ne sont pas seulement réalisées, elles sont hélas encore dépassées. Mon seul espoir est en vous, monsieur. Chaque heure, chaque minute ajoute à mes angoisses. Je suis épouvanté de ce qui peut se passer d'un moment à l'autre, malgré ma sollicitude et ma surveillance infatigable. C'est vous dire, monsieur, avec quelle impatience, avec quelle anxiété, j'attendrai votre secours. Soyez béni, monsieur, pour la compassion que vous témoignez à une mère qui ne tient la vie que par son fils, Marie Bastien. »